question à 7. Ouais, dans ma tête, un 6 et un 300 sur la 7. Les délits t'en tapent 5, des douleurs d'état de centre. Dans les délires de l'absinthe, toutes les couleurs sont absentes. C'est la réalité qu'on fait. On a que tes mots annotables. Personne invité, qu'on vive. Tiens, c'est pareil, y'a que le diable, on l'embrassera, c'est pareil. On le voit pas, tant qu'on s'en batte, l'espace tracé, paillette. On s'en crasse, c'est pareil, c'est pas la vie de mes races. C'est pas ma vie, j'me balade vite des rats. La grâce dans l'appareil, pas d'acrobate. Mais c'est le palais des saltoviens. Un acromate, c'est le vrai darkness, nous confond pas aux daltoniens. Donc on se regarde dans le noir et blanc des yeux. L'ambition bug, on s'est rendu aveugle à vouloir voir le plan des cieux. J'compte tout le temps mes sauts, vu que le compte courant c'est sauf. La concurrence est sauf, sache que le compte courant c'est nous. C'est pour ceux que j'ai vu dans l'inversaire. Ceux que le manque de thunes a percé. Y'a que les langues de pute qui vont percer. J'vois que la banque de tue flanche en cloche, un banque de ceux qui parlent par dans le barrio. Les patatas dans le barrio. J'fais des gars massins et dégage massins. J'dégage la place et le lariole. Allez, parlez, parlez. Quand t'as le pas réparé, ils sont pas préparés. Nous on est pas réparés. Vraisemblance sur les caisses, on monte. Ils vénèrent la bête qui a pris son monde. Et les vrais sont manqués, les vrais sont moques. T'enchaînes les bières et la pression monte. Tu parles qu'à ton pile, t'es accro à ton psy. Tu dissertes sur la vie, tu discernes plus la nuit. C'est la chromatopsie. J'avance sans aucune aide. Je baisse ma vie qui me compare avec mon passé. Donc je récolte un avenir de cocu, merde. MC populaire, mon labo populaire. J'ai aucun glock, je marche avec la mort dans mon globe oculaire. L'état nous fourre bien sec, le zouave débarque et je soigne mes phrases. J'aurai toujours des faces pour vous, t'inquiète. Je suis bouffé par le système, mais je suis ce grain de maïs. Que l'on ne mâche pas de cette histoire, je m'en sors toujours indemne. Ouais, t'as kiffé nos styles, je viens calciner vos beats. Quand j'évacue, j'ai la plume qui fait saliver vos pics. Tu me fais pitié nos vices avec les filles, tu te fais des fils. Redescends, les seuls trucs que tu montes, c'est tes vidéoclips. Tu t'es gouré tes foulards. On manie l'écriture, on casse le dico. Passe le micro, fais tourner le défouloir. Entouré de mes soulards, j'fais rimer, boire et glan. La concurrence, je la vois en noir et blanc. À force fourrer des trous de balles. C'est pour ceux que j'ai vu dans l'inversaire. Ceux que le manque de thunes a percé. Y'a que les langues de pute qui vont percer. J'vois que la banque de tue flanche en cloche, un banque de tue. Ceux qui parlent par dans le barrio. Les patatas dans le barrio. J'fais des gars massins et dégage massins. J'dégage la place et le lariole. Allez, parlez, parlez. Quand t'as le pas réparé, ils sont pas préparés. Nous on est pas réparés. Vraisemblance sur les caisses, on monte. Ils vénèrent la bête qui a pris son monde. Et les vrais sont manqués, les vrais sont moques. T'enchaînes les bières et la pression monte. Tu parles qu'à ton pile, t'es accro à ton psy. Tu dissertes sur la vie, tu discernes plus la nuit. C'est la chromatopsie. T'alimente avec des pensées sombres. M'apprête à lancer le son. Un ralliement genre taliban. Infestés dans ses songes, ils veulent tous nous faire passer pour des fanatiques. Dommage, on reste des gens bien toujours shootés par la street, connard. Le grand écart est fait, on prend le départ trop tenté par mes frères. Grattant des tailles sans chanter ma défaite. Même quand c'est die, je suis dans des bails enfanté par l'échec. Augmenter ma demande d'art, une trempe dans l'ancé par les fêtes. La prod, poteau, tu l'aimes ou tu la kicks. Y'a aucune aide, tu dans le tunnel, globe oculaire au-dessus de la vie. M'en bats les couilles d'être populaire, c'est dur à dire. Tous ces mythos tunaires, c'est limite trop punaise. On évacue la piste. T'imagines pas ce qu'on a dans le crâne, mais délice la balle en taille. Photo, je crains pas l'entaille, des fétistes à balle. Ma devise n'a pas d'entracte, fais du bisme, pas d'entrave. J'étudie, j'ai tout dit, très pudique, je m'appelle mes 40 bars érudits, j'ai la dalle et des paroles d'art. C'est pour ceux que j'ai vu dans l'inversaire. Ceux que le manque de thunes a percé. Y'a que les langues de pute qui vont percer. J'vois que la banque de tue flanche en cloche, un banque de tue. Ceux qui parlent par dans le barrio. Les patatas dans le barrio. J'fais des gars massins et dégage massins. J'dégage la place et le lariole. Allez, parlez, parlez. Quand t'as le pas réparé, ils sont pas préparés. Nous on est pas réparés. Vraisemblance sur les caisses, on monte. Ils vénèrent la bête qui a pris son monde. Et les vrais sont manqués, les vrais sont moques. T'enchaînes les bières et la pression monte. Tu parles qu'à ton pile, t'es accro à ton psy. Tu discernes sur la vie, tu discernes plus la nuit. C'est la chromatopsie.